prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, oui, il y aura encore un bien, mais il contiendra des manquements. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hudhayfa ibn al-Yaman, a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quels seront les manquements. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y aura des gens ou des groupes de gens qui suivront autre que ma voie et qui suivront autre que ma tradition. Et ce seront des prêcheurs qui appellent vers les portes de l'enfer. Alors Hudhayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu a dit, j'ai demandé donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous les décrire afin d'y prendre garde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, ce seront des gens de la même origine que nous et ils parleront la même langue que nous. Et si tu arrives à cette époque-là, alors accroche-toi au groupe et au gouverneur des musulmans ainsi qu'au groupe des musulmans. Et Hudhayfa radiallahu anhu a dit, ô messager d'Allah, et si le jour-là il n'y a pas de gouverneur ni de groupe de musulmans? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, alors mets-toi à l'écart de toutes ces sectes, même si tu dois t'accrocher au tronc d'un arbre jusqu'à ce que la mort te vienne. Voici l'entièreté de ce hadith. Et dans ce hadith, nous allons tirer des leçons. Et nous allons voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait une grande importance à la préservation de ses compagnons et de sa communauté de tout mal. Naam Cheikh. وذلك والوقفة الأولى فيه أن الأمر المتفق عليه بين العلماء أن هذا الحديث من أحاديث الفتن ومن أحاديث علامات ودلائل النبوة، فمن أراد الوقوف على معانيه فإنه يجد المعاني الصحيحة في هاتين الجهتين عند أهل العلم، لأن هذا الحديث حديث تضمن الكلام على الفتن والتحذير منها، وتضمن الكلام على علامات النبوة ودلائلها. نعم. Donc le Cheikh حفظه الله dit, la première leçon que nous pouvons tirer de ce hadith, c'est que tous les savants sont unanimes que ce hadith fait partie des hadiths ou des paroles prophétiques qui ont décrit les épreuves et les troubles qui vont toucher la communauté à la fin des temps. De plus, ce hadith fait clairement partie des hadiths qui prouvent la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Également, ce hadith contient la mise en garde contre les troubles et la mise en garde contre le mal qui va toucher la communauté à la fin des temps. Naam Cheikhana. هذه الوقفات مع راوي رضي الله عنه وأرضاه، وهو حذيفة بن اليمان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر المنافقين وراوية أحاديث الفتن، حتى أنه كان مرجعا للصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب، حتى أنه هو الذي أجاب الفاروق رضي الله عنه في حديث الفتن المعروف الذي في الصحيحين، لما قال له إنك لجريء. ولو أننا أردنا الإطالة في هذا المقام فذكرنا، ولكن المقام مع الترجمة لا يتناسب، وهذه إشارة في حق حذيفة. نعم. Donc le Cheikh حفظه الله a dit également ce à quoi nous pouvons faire allusion en premier lieu dans ce hadith, c'est son rapporteur. Donc Hudhayfa ibn al-Yaman. Hudhayfa ibn al-Yaman, qu'Allah l'agrée, était le digne de confiance à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confié certains secrets concernant les hypocrites qui étaient cachés au sein de la communauté. Également, Hudhayfa ibn al-Yaman, c'est le compagnon de référence, rapporteur des hadiths qui parle des troubles et des épreuves qui vont toucher cette communauté. Également, Hudhayfa ibn al-Yaman était la référence et celui vers qui tous les compagnons revenaient en ce qui concerne les épreuves et les problèmes qui touchent la communauté. À tel point qu'il a répondu à Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agré, dans une affaire parmi les épreuves qui avaient touché la communauté à cette époque-là. Mais vu que le cours se prolonge de plus en plus dû à la traduction, nous ne devons de rester, c'est-à-dire bref, sur le sujet, sans plus donner de détails. Naam, Cheikhna. الوقفة الثانية في أهمية العلم والرجوع إلى العلماء في باب الشراب في أبواب الشراب بكلها وفي الفتن ومتلهمات الأمور على خصوصها ونأخذ ذلك من حذيفة رضي الله عنه يوم عقبة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم نقابة الفتن وهذا فيه أهمية العلم لأن السؤال كما قال مفتاح العلم ولما جاء جبريل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور الإسلام والإسلام والجاء الثانية فيها وجوب إلى العلماء الراسخين في العلم إلى الأداب الذي شيخنا الخط يتقطع لعلنا نعيد الاتصال. نحن توقفنا في السؤال مفتاح العلم. طيب خلاص الصوت جيد الآن، تفضل شيخنا. قلنا بأن هذا الحديث حمل أهم أمرين متعلقين بدفع الفتن وهما العلم والرجوع إلى العلماء. فأما العلم ففي السؤال، لأن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعض السلف السؤال مفتاح العلم، ولما جاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور الإيمان قال أتاكم جبريل يعلمكم دينكم. هذه الفقرة الأولى. نعم نعم. Donc, le Cheikh Hafidahullah a dit, la deuxième leçon que nous pouvons tirer de ce hadith, c'est l'importance, la grande importance de la recherche du savoir religieux, mais également de revenir vers les savants, de les questionner concernant les règles de la religion et les affaires importantes, que ce soit des troubles ou autres parmi les choses de la religion. Et la preuve de ça, c'est dans la parole de Hudhayfa, qui dit, les gens ne cessaient de questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le bien, tandis que moi, je le questionnais sur le mal, de peur d'y tomber. On voit donc clairement l'importance de la science. Et c'est pour cela que nous disons que la science, ou plutôt la question, le fait de questionner, c'est la clé de la science. Poser la question, c'est la clé du savoir. Et ce hadith nous donne les deux plus grands moyens de sortir d'un quelconque conflit ou d'un quelconque trouble qui touche la communauté. Le premier moyen, c'est l'ilm. C'est d'apprendre la science pour pouvoir affronter les moments difficiles qu'on ne sait pas comment affronter et comment agir. Et deuxièmement, le retour vers le ulama, vers les savants. Retour vers les savants. Car on voit clairement que Saif ibn al-Yaman, il dit quoi ? Il dit, j'ai questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens questionnaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que les salaf rahimahumullah disaient, la question concernant les choses religieuses, c'est la clé même de la science. Également, on voit cela dans le hadith de Jibril. Lorsque Omar ibn al-Khattab a dit, Jibril est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il l'a questionné sur l'islam, il l'a questionné sur la foi, il l'a questionné sur l'excellence. Donc on voit clairement que le meilleur moyen pour acquérir la science et pour affronter toute situation, c'est de questionner les savants. De questionner les savants. Naam Cheikh. Donc وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه ونعيم بن حماد الخزاعي بالفتن عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: وانتبهوا إلى هذا الأثر وقيدوه عربكم وعجمكم. أنه قال رضي الله عنه وهو بإسناد صحيح عنه أن حذيفة رضي الله عنه قال: إنها فتن قد أضلت كجباه البقر يهلك فيها أكثر الناس إلا من كان يعرفها قبل ذلك. وهذا فيه أهمية العلم والتعلم. نعم نعم. دونك الشيخ حفظه الله a cité une parole de Hudhayf ibn al-Yaman qui est rapportée par Ibn Abi Shayba dans son Musannaf ainsi qu'Al Khuzai également concernant les troubles, les problèmes qui touchent la communauté. C'est une parole de Hudhayf. Le Cheikh il dit: écoutez bien cette parole de Hudhayf, que vous soyez arabe ou non arabe, et retenez-la dans la langue qui vous est accessible. Hudhayf ibn al-Yaman a dit: à la fin des temps, la communauté va être touchée par des troubles et des épreuves qui vont égarer la plupart des gens, sauf ceux qui connaissaient ces troubles avant qu'ils arrivent. Sauf ceux qui connaissaient ces troubles et les signes de ces troubles avant qu'ils arrivent. Bien sûr, avant qu'un égarement arrive, il y a des signes. Et seul celui qui a la science, et qui connaît le sujet, qui connaît le domaine, va pouvoir voir ces signes et donc se préparer à la venue de cette épreuve pour pouvoir l'affronter de la meilleure des manières. Donc c'est pour ça que Hudhayf a dit, la communauté va être touchée par des troubles qui vont égarer la plupart des gens, sauf ceux qui s'y étaient préparés, qui connaissaient ces troubles avant leur arrivée. Naam Cheikhna. وأما الرجوع إلى العلماء في هذا الحديث وإن كان الكلام فيه كثير من أهل العلم وإن كان الكلام قد كثر فيه في المحاضرات والدروس فقد أقام الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليجيب على فتاوى الناس من الصحابة رضي الله عنهم ثم جعل في هذه الأمة وراثا هم العلماء العلماء ورثة الأنبياء يرجع إليهم فيما أشكل على المسلم في دينه. فهذه الفائدة ظاهرة من هذا الحديث. نعم نعم. دونك الشيخ حفظه الله a dit concernant le fait de revenir aux savants pour leur poser la question concernant n'importe quel souci qu'on viendrait à affronter, eh bien on tire également de ce hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre aux questions de ses compagnons. Et puis après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azawajal a mis au sein de cette communauté des héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers qui la communauté revient afin de sa religion et de questionner concernant celle-ci. C'est également une leçon qu'on va pouvoir tirer de ce hadith. Même si les savants ont fait énormément de conférences, écrit énormément de livres sur le sujet, à savoir de toujours revenir vers les savants et non pas se suffire de soi-même ou des gens que l'on connaît. Naam Cheikhna. ومن أعظم فوائد هذا الحديث أن المؤمن يخاف على إيمانه ويتعلم الشر ليجتنبه. فإن حذيفة رضي الله عنه قال: أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقد بوّب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. نعم نعم شيخنا. أن يحبط عمله دونك الشيخ حفظه الله دي. Et parmi les plus grandes leçons que nous pouvons tirer également de ce hadith, c'est le fait que le croyant doit toujours avoir peur pour sa foi. Et ne pas seulement apprendre le bien, mais également apprendre le mal, de peur d'y tomber. Parce qu'on voit que Hudhayf ibn al-Yaman, lui, il ne questionnait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le bien, mais il le questionnait concernant le mal qui pourrait le toucher un jour ou l'autre. D'ailleurs, on voit dans Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit dans Sahih al-Bukhari que l'imam al-Bukhari a carrément écrit un chapitre qu'il a nommé « Le croyant doit avoir peur à ce que ses actes deviennent vains sans même s'en rendre compte. » Et il y a cité plusieurs hadiths dans ce sens. Naam Cheikhana. وقد قيل في هذا المعنى عرفت الخير عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه فثمرة معرفة الشر اجتنابه والبعد عنه وأن يخاف المسلم المؤمن أن يكون من أهله نعم نعم donc le cheikh حفظه الله dit d'ailleurs il y a un proverbe arabe ancien qui dit j'ai appris le nom pas mais pour y prendre garde, car celui qui ne distingue pas le bien du mal, il tombera forcément. Donc, le bénéfice de l'apprentissage du mal n'est pas le mal en lui-même, mais plutôt de l'éviter. Mais plutôt de l'éviter. Tu es toujours connecté là ? Fadal Cheikhana. Non. ومن فوائد هذا الحديث أن المؤمن يعترف بما كان عليه من الشر وما كان عليه من البعد عن الخير وأن يعرف نعمة الله سبحانه وتعالى عليه فإن هذا مما يعرفه على نعم الله وأفضاله عليه فيكون سببا في تثبيته على الإيمان لأن حذيفة رضي الله عنه قال إنا كنا في جاهلية وشر فلا بد أن يقارن المؤمن بين حالة الخير وبين حالة الشر نعم نعم donc le cheikh Hafidah Allah dit parmi les leçons qu'on peut tirer également de ce hadith c'est que le croyant doit réaliser le grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui et de se rendre compte du mal sur lequel il était avant de connaître la religion. Et également de prendre conscience sur lequel il est aujourd'hui. Car cela va l'aider à se raffermir et à rester sur la voie sur laquelle Allah il l'a mis. Car Hudayf ibn al-Yaman dit clairement dans le hadith, nous étions dans l'ignorance et l'égarement total. Et Allah nous a donné ce bien. Donc on voit clairement que Hudayf, il a médité sur le mal sur lequel ils étaient avant l'arrivée de l'islam. Contient le hadith que le croyant doit sans cesse réfléchir et prendre conscience du mal dans lequel il était et puis le bien dans lequel Allah il l'a mis aujourd'hui. Afin de comparer entre le bien et le mal et de toujours demander davantage de bien, de fuir du mal. Naam Cheikhna. ومن فوائد هذا الحديث العظيمة أن الإسلام كله خير فمن وفقه الله إلى الهداية إلى الإسلام فقد وفقه إلى خير عظيم وخصوصا الذي يكون بعيدا عن أهل الإسلام وبلادهم لأن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال فجاءنا الله بهذا الخير فعليك أن تعرف نعمة الله عليك أنك من المسلمين نعم نعم donc le cheikh Hafidah Allah dit également on doit tirer de cela que l'islam est un grand bien en lui-même et celui qu'Allah a guidé vers l'islam eh bien en vérité il l'a guidé vers un énorme bien le plus grand bien qui soit surtout si cette personne elle habite loin des musulmans et des pays musulmans. Et des pays musulmans. Donc la personne doit prendre conscience de ce grand bienfait qu'Allah lui a donné. Car on voit clairement dans la parole de Hudayf, hein, lorsqu'il dit, nous étions dans l'ignorance et un égarement profond, et Allah nous a apporté ce bien. Allah nous a apporté ce bien. Donc ce bien-là n'était pas présent, n'était pas existant là où ils étaient. Ce bien est venu. Donc la personne qui est guidée vers l'islam ou vers la religion, malgré qu'elle est loin des musulmans et des pays musulmans et des sociétés musulmanes, elle se doit de se rendre compte, il y en a deux fois plus de ce grand bienfait. نعم شيخنا. ولما كان أعداء الإسلام لا يريدون هذا الخير ولا يريدون انتشاره ولا يريدون ثباته، أقاموا كل ما يستطيعون من جنودهم ليصدوا الناس عن هذا الخير. ومن هنا بدأت الفتن ظهورا، لما قال حذيفة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: فبعدها فهل بعد هذا الخير من شر؟ معنى هذا أن أهل الشر أثاروا الشر حتى يجعلوه مكان هذا الخير وهو الإسلام. نعم. Donc, et lorsque l'islam ont vu que l'islam a commencé à se propager, ils s'y sont opposés. Et ils ont tout fait afin de l'anéantir et d'arrêter sa propagation. Et d'arrêter sa propagation afin de détourner les gens de cet islam et de ce grand bien. Et c'est là que les troubles ont commencé. Et c'est là que les épreuves ont commencé à toucher la communauté. Et c'est pour ça que Hudayf ibn al-Yaman a dit dans le hadith: est-ce que après ce grand bien qui vient d'arriver, il y aura un mal? Et c'est ça le mal en fait. L'islam est arrivé, tout allait bien, mais dès que les ennemis de l'islam ont commencé, ont vu que l'islam prenait de l'ampleur et qu'il commençait à se propager, ils ont commencé à combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et c'est ça qui est voulu par sa parole: et est-ce qu'après la venue de ce bien, il y aura un mal? Naam ya shaykh. وأول هذا الشر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله نعم عندما قال حذيفة: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. هو فتنة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، يعني فتنة قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، والتي ترأسها عبد الله بن سبع اليهود، فإنها أول فتن على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي الشر المقصود هنا، وكذلك الحافظ ابن حجر، وسأذكر الدليل على هذا بعد قليل. نعم. Donc, et le premier mal qui est voulu par la parole du prophète sallam lorsqu'il dit oui, juste après ce grand bien, un mal va apparaître. Et bien, comme l'ont dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, Al-Hafidh Ibn Hajar et d'autres encore, la première grande épreuve proprement dit qui a touché la communauté et qui est visée par l'approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui, il va avoir un mal juste après ce bien, c'est la grande fitna qui est arrivée à l'époque de Uthman ibn Affan radallahu anhu, lorsque Uthman radallahu anhu a été tué par Al-Khawarij, avec la fitna de Ibn Saba. Et je vais vous citer quelques preuves par après sur cela. وقد روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن حذيفة نفسه رضي الله عنه أنه قال: أرأيتم يوم الدار؟ كانت فتنة، يعني قتل عثمان، فإنها أول الفتن وآخرها الدجال، فإنها أول الفتن وآخرها الدجال. نعم. نعم. الفتن. Donc le cheikh Hafidahullah a dit, en effet, Ibn Abi Shaybah rapporte dans son Musannaf, toujours d'après Hudayf ibn al-Yaman radallahu anhu, il aurait dit: rappelez-vous Yawm al-Dar, donc le jour où Uthman radallahu anhu a été tué. Il a dit: ceci était une fitna, et sachez que c'est la première fitna, et par après, les fitnes vont s'enchaîner, et la dernière sera l'apparition de Dajjal, l'apparition du faux messie. Donc, l'assassinat de Uthman était la première fitna qui a touché la communauté, et la dernière sera l'apparition du faux messie. Donc, vous voyez comment Hudayfa radhiyallahu anhu maîtrisait bien le sujet des troubles qui vont toucher la communauté. Naam Cheikhana. وهذا أول الشر كما قلت، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حذيفة قال: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. في هذا أن المؤمن لا ييأس إذا وقعت الفتن وأن الإسلام سينطمس، لأن حذيفة قال له هل بعد ذلك الشر من خير، يعني فتنة قتل عثمان هل بعدها من خير؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم وفيه دخل. فهذا ما سنتحدث عن الدخل بعد ذلك. نعم. Donc le Cheikh Hafidah Allah a dit, et c'est ça qui est voulu par la réponse du professeur Sallam lorsqu'il dit oui, il y aura juste après ce grand bien un mal. Et donc Hudayfa par après lui a dit, et après ce mal-là, y aura-t-il encore un bien? Et le professeur Sallam a répondu oui, mais il y aura des manquements et des épreuves. Et on tire de cela que l'islam va être déformé. L'islam va être déformé. Et presque même effacé. Presque effacé. Et c'est pour cela que juste après il dit, donc Hudayfa ibn al-Yaman dit de nouveau, et après ce mal-là, y aura-t-il un bien? Et le professeur répond oui, mais il y aura des manquements. Oui, mais il y aura des manquements. C'est-à-dire qu'il ne sera plus sous sa forme d'origine. Et on va détailler cela par après. Naam. Hudayfa radiallahu anhu, lamma sami'a kalimat dakhan, wa dakhan معروف عند العرب في لغتهم معناه الشيء الكدر غير النظيف، وهو مأخوذ من الدخان الذي يتصاعد من النار، فلا تتضح معه الرؤية. لكن حذيفة رضي الله عنه مع معرفته لهذا المعنى قال وما دخله، فهو عرف المعنى لكن يريد أن يتعرف على زيادة في حقيقة هذا الدخان الذي يكون مع هذا الشيء. نعم. Donc, Hudayfa ibn al-Yaman, lorsqu'il a entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Oui, il y aura de nouveau un bien, mais il contiendra un manquement. » En vérité, en arabe, le mot « manquement », le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a désigné en utilisant le mot « dakhan ». Et en fait, « dakhan », chez les arabes, dans la langue arabe, « dakhan » désigne une chose sale, une chose impure, une chose tachée. Et plus précisément, Dakhan, c'est les cendres qui se dégagent d'au-dessus des flammes d'un feu allumé. Et à travers lesquelles, donc à travers ces cendres qui se dégagent de ce feu, on ne voit pas clairement ce qu'il y a derrière ce feu. Tellement ces cendres gâchent la vue. Donc c'est sale et ça perturbe la vue. Ce qu'il y a derrière ce feu. Donc Hudayfa ibn al-Yaman, dès qu'il a entendu ça, il a dit « Wama dakhana ». Et c'est quoi ce manquement? C'est quoi ces perturbations? Donc il a directement demandé après les descriptions, après les détails, afin de se préparer avant que ça arrive. Naam, Cheikh Hana. Le Nabi alayhi salatu wa salam fassara lahu hadha dakhan alladhi yakunu ma'a hadha al-khayr. بمعنى أن الأمة تقوم بالعلم وبالدعوة فيظهر الخير. في هذا الخير يظهر الدخن. من هو هذا الدخن؟ قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. بمعنى أنها تقوم هذه الفرق وهذه الجماعات وهذه الأحزاب عندما ينتشر الخير فيدعون إلى باطلهم وإلى بدعهم، وهذا الباطل وهذا البدع وهذه البدع هي الدخل، لأنه قال يستنون بغير سنتي يعني يعتقدون غير عقيدتي، ويهتدون بغيرهم يعني يسلكون منهجا غير منهجي، ثم قال تعرف منهم وتنكر، بمعنى أنهم يأتون معروفا ويأتون منكرا، وهذا هو الذي عليه حال الفرق والبدع وأهل الضلال. نعم. نعم. Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué en détail quel sera le manquement au sein de la communauté qui provoquera justement tous ces troubles. Et en vérité, ce trouble va apparaître Lorsque la communauté va s'occuper de la science religieuse et du prêche et du bien qui découle de cela. Lorsque la communauté va courir derrière la science et le prêche et le bien de la religion, c'est à ce moment-là que le mal va apparaître. Parce qu'il va avoir une distinction, une différenciation entre le bien qui est véhiculé et le mal qui va venir le contrer et qui est présent dans la communauté. C'est là que vont faire leur apparition les prêcheurs du mal, les prêcheurs du contraire de la vérité. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, apparaîtront des groupes de personnes qui suivent autre que ma guidée et qui suivent autre que ma tradition. Et ce qui est voulu par autre que la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est autre que la aqida et la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui est voulu par autre que la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est autre que le manhaj et la voie suivie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces groupes-là, lorsqu'ils vont voir que le bien du Coran et de la Sunna se propage dans la communauté, ils vont automatiquement faire objection et contrer cela en mettant au grand jour leur mal, les innovations, les mauvaises croyances qu'ils ont en eux. Et ils vont tenter de les propager et d'y appeler les gens. Et cela ne veut pas dire que ces groupes-là n'ont aucun bien en eux. Il y a du bien en eux. Mais il ne faut pas se laisser tromper par ce bien qu'il y a en eux. Parce que le mal qu'il y a en eux est suffisant pour s'écarter d'eux. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ta'arifu minhum wa tunkar » Tu verras dans ces groupes d'innovateurs, tu verras du bien que tu vas reconnaître en tant que tel, également du mal que tu te dois de rejeter. Non. Et ça, c'est une réponse à ceux qui disent justement que « Ouais, mais ils ont du bien en eux. » Non, il nous a dit qu'il y a du bien, mais il y a du mal aussi. Non, Cheikhana. وفي قوله تعرف منهم وتنكر فائدة عجيزة ينبغي على كل مسلم أن يتنبه لها وهي أن صاحب الباطل لا يدعوك إلى باطل محض ليس فيه حق ولا بد وأن يخلط هذا الحق أن يخلط هذا الباطل بشيء من الحق قال الله سبحانه في اليهود لما تنبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون لاحظ لما تلبسون الحق بالباطل وإذا أردت أن تطبق هذا على الخوارج فانظر كيف وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن الصحابة يحقرون صلاتهم إلى صلاتهم وصيامهم إلى صيامهم وقراءتهم إلى قراءتهم ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان فالمسلم يعرف صلاتهم وصيامهم وقراءتهم للقرآن فيتحير بهم ثم ينظر إلى أذعانهم وقتلهم لأهل الإسلام فيتحير في أمرهم. Donc le cheikh Hafidahullah a dit également, on tire une autre leçon de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit vous verrez dans ces sectes-là, de groupes d'innovateurs, des choses bonnes que vous reconnaîtrez en tant que telles, mais également des choses mauvaises que vous devez de rejeter. Le cheikh, il dit, on tire de ça que le prêcheur du faux ne va jamais t'appeler au faux directement et ne va jamais prononcer le faux tel quel, dans sa globalité, en t'y invitant. Plutôt, il va te dire des choses vraies. Il va prononcer des paroles de vérité qu'il va mélanger à des faussetés. Et cette méthode n'est pas nouvelle. Elle date déjà de l'époque des Juifs. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, en interpellant les Juifs, pourquoi mélangez-vous la vérité au faux ? Pourquoi mélangez-vous la vérité au faux ? Et également, regardez avec le Khawarij. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux sahaba, lorsque vous allez les voir, vous allez sous-estimer votre prière à la leur. Et vous allez sous-estimer votre jeûne au leur. Et vous allez sous-estimer beaucoup de vos bonnes actions au leur. Pourtant, ils sortent de la religion aussi vite que la flèche sort de l'autre côté de sa cible. Et qu'est-ce qu'il a dit plus loin ? Il a dit, il tue les musulmans et il laisse tranquille les idolâtres. Donc le musulman, lorsqu'il apprend sa religion et qu'il distingue entre le bien et le mal, il va voir comment ces gens-là, ils prient, jeûnent, etc. C'est bien, mais ils tuent les musulmans. Ça se contredit. Donc il faut absolument étudier la science et apprendre pour pouvoir distinguer le mal qu'il y a en une personne en qui on voit également du bien. Comprenez ? Vous voyez un khariji, il y a du bien en lui, il prie, jeûne, etc. C'est bien. Mais à côté de ça, il y a toutes des choses qui annulent tout ça. Qui annulent tout ça. Naam Cheikhana. Thumma, Khalifa radiyallahu anhu, fahal ba'da dhalika al-khayri min ash-shirr, yani hal ba'da dhalika al-khayr, ma'ana fihi min dakhal, hal ba'dahu min sharr, ذكر النبي عليه الصلاة والسلام درجة هي أشد من الأولى فقال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها وهذا وصف من الناصح المشفق الرحيم الرؤوف بأمته النبي عليه الصلاة والسلام لأن هؤلاء دعاة ولكنهم دعاة على أبواب جهنم يقذفون من أجابهم إلى دعوتهم في نار جهنم بمعنى أنهم يدعون إلى أسباب دخول جهنم فمن أجابهم وعمل بما دعوا إليه كان مآله إلى جهنم معهم أعوذ بالله نعم نعم Donc le cheikh Hafidallah a dit, et Hudayf ibn al-Yaman a dit par après au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après ce bien dans lequel il va avoir des manquements et des groupes de personnes en qui il y a du bien et du mal, est-ce qu'il y aura un mal ? Donc c'est quand même un bien, la communauté, elle est quand même dans un bien, mais il y a des manquements, il y a des groupes, il y a des sectes, il y a des individus dans lesquels il y a du bien et du mal, mais après ce bien-là, même s'il est minime. Est-ce qu'il y aura de nouveau un mal ? Est-ce qu'il y aura de nouveau un mal qui va toucher la communauté ? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a cité de nouveau un mal qui est encore pire que le précédent. Lequel est-il ? Des prêcheurs qui appellent les gens aux portes de l'enfer. Aux portes de l'enfer. Et celui qui leur répond à leur prêche et qui les suit, ils le jetteront en enfer. Ils le jetteront en enfer. Et on voit en cela comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un conseiller miséricordieux et affectueux envers sa communauté. Alayhi salatu wassalam. En effet, ces prêcheurs-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vise dans ce hadith, ce sont des prêcheurs en la religion, en la matière de la religion. Oui, effectivement. Mais ils attirent les gens vers les portes de l'enfer. Et toute personne qui les suit et qui les écoute et qui a pour conviction ce à quoi ils appellent, eh bien, ils vont la faire périr en enfer, ils vont l'attirer jusqu'à la jeter en enfer, car elle aura suivi leurs croyances et leurs voies. Naam Cheikhana. Thumma qala Hudhayfah radiyallahu anhu wa ardaah, sibhum lana ya Rasulallah. Ta'amman fi qawlihi makhafata an yudrikani fi awwal al-hadith. مع قول النبي عليه الصلاة والسلام دعاة على أبواب جهنم مع قول حذيفة صدهم لنا أي نتيجة ستحصل عليها إلا أن حذيفة كان يخاف من هذا الأمر وأما اليوم فالواحد منا ربما يقول نحن نعرف هؤلاء لا يخفون علينا وهؤلاء كذا هذا ما يدل على جهل الإنسان إذا لم يعرف تفاصيل الشر وأهل الشر فقوله صفهم لنا في البيان مع أنه قد قال له بأنهم دعاة على أبواب جهنم نعم نعم Donc le Cheikh Hafidah Allah a dit À la suite de cela, Hudayf ibn al-Yaman lui a dit « Décris-les-nous, ô messager d'Allah, décris-nous ces personnes-là. » Et le cheikh, il dit « Regardez, rappelez-vous du début du hadith. Hudhayfa, il a dit, je le questionnais concernant le mal de peur d'y tomber. Et ici, il dit quoi ? Décris-nous ces prêcheurs de l'égarement. Décris-nous ces prêcheurs qui appellent les gens vers les portes de l'enfer. Décris-les-nous. On voit donc clairement à quel point Hudhayfa avait peur. À quel point Hudhayfa avait peur. Le cheikh, il dit, aujourd'hui, on voit des gens, lorsqu'on les avertit, ils disent, oh, nous, on les connaît, ces personnes-là. Oh, ce prêcheur-là, je le connais. Oh, ces gens-là, de toute façon, nous, on est bien clairvoyants, ils ne peuvent pas passer inaperçus. On connaît. On sait très bien. Et on voit dans cela le danger qu'encourt la personne lorsqu'elle n'a pas de science et lorsqu'elle ne discerne pas entre le bien et le mal. Elle ne se rend pas compte du danger dans lequel elle se jette. Naam, Cheikhana. ثم وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ذكر طوائف من أهل العلم من الشراح مقصود بهم العرب أو من قبائل العرب وعشائر العرب. وهذا القول عندي فيه نظر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يبين ما يتعلق بالعرب والعجم، وإنما أراد أن يبين حالة من يدعو إلى جهنم، أكان بلسان عربي مبين أم بغير اللسان العربي. فقوله من جلدتنا، وإن كان بعضهم حمله على العرب ويتكلمون بألسنتنا، أي أنهم ينتسبون إلى هذا الدين ويزعمون أنهم يقومون بالدعوة إلى هذا الدين، وما شأن إيران ودعوتها إلى الرفض الذي هو الكفر المحض عنا ببعيد. نعم. Donc le cheikh حفظه الله a dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit ces prêcheurs du faux, il a dit, ce seront des gens de la même origine que nous, de la même origine que nous. Et certains savants qui ont expliqué ce hadith, ils ont dit ce qui est voulu par là, c'est que les prêcheurs du faux seront arabes. Car, si on prend le terme au sens propre, min bani jildatina, c'est-à-dire ce sont des gens de la même origine que nous. Donc ce sont des arabes. Le cheikh il dit, mais il y a tout de même une remarque à faire sur cet avis, c'est que les prêcheurs du faux ne sont pas tous arabes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit ce seront des gens comme nous, de la même origine que nous, il ne visait pas l'origine en elle-même, il ne visait pas arabe ou non arabe, plutôt il visait la religion à laquelle on s'affilie, c'est-à-dire ils sont comme nous, c'est-à-dire ils s'affilient à l'islam également, tous s'affilient à l'islam, et c'est ça qui est voulu, Allah a'alam. Et de plus, bon nombre de choses qui se passent autour de nous nous prouvent que les prêcheurs du faux ne sont pas que arabes. D'ailleurs, il suffit d'ouvrir les yeux et de voir comment Iran propage son prêche à la mécréance qui est Ravd, qui est la pire des branches de chiisme, hein, qui rejette la seigneurie d'Allah Azzawajal et qui l'affilie à Ali, etc. etc. Et donc, pourtant, les Iraniens ne sont pas arabes, plutôt ils sont perses. Naam Cheikhana. ومعنى هذا أنهم لا يدعوننا إلى اليهودية ولا إلى النصرانية، وإنما يدعوننا إلى عقائد فاسدة يضفون أو يضيفون إليها اسم الإسلام أو أنها من الإسلام، وهذا حقيقة قوله بألسنتنا. نعم. Donc le cheikh il dit ce qui est donc pas sa parole, ils parleront la même langue que nous. Ce n'est pas forcément l'arabe, mais plutôt, cela veut dire qu'ils ne nous appelleront pas à quelque chose qu'on ne connaît pas. Ils ne parleront pas avec des choses qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'ils ne nous appelleront pas au christianisme, ou bien au judaïsme, ou bien une autre religion. Plutôt, ils nous appelleront à l'islam. Et ils prêcheront, soi-disant, l'islam. Mais, ils nous appelleront au nom de l'islam, à des croyances fausses, et à des voies fausses, qui sont autres que l'islam authentique. Et c'est ça qui est voulu par sa parole. Ils sont les mêmes que nous, c'est-à-dire ils s'affilient à l'islam comme nous, et il parle la même langue que nous, c'est-à-dire il prêche l'islam comme nous, mais déformé. Naam Cheikhana. حذيفة رضي الله عنه وأرضاه لما سمع هذه الأمور الشديدة قال للنبي صلى الله عليه وسلم فما تأمرني إن أدركني ذلك لأن حذيفة يعلم ويعلمنا أنه لا نجاة ولا حل ولا خير إلا في لزوم ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال فما تأمرني إن أدركني ذلك فالمسلم يجب أن يعتقد أن النجاة كل النجاة في لزوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيه نعم نعم Donc le Cheikh Hafidhullah a dit donc Hudayf ibn al-Yaman lorsqu'il a entendu toutes ces choses effrayantes il a interpellé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant qu'est-ce que tu me conseilles si tout cela venait à arriver Si tout cela venait à se produire, qu'est-ce que tu me conseilles ? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on voit que Hudayf ibn al-Yaman, il avait la science, mais également il était très bon enseignant. Il était très bon enseignant parce que lorsqu'il transmet le hadith, on voit les termes qu'il utilise pour interpeller également ceux qui l'écoutent. Vous voyez ? Car en même temps qu'il est en train de rapporter le hadith, il est en train d'enseigner. Et il dit : Que me conseilles-tu si cela venait à se produire ? Car Hudayfa avait compris qu'il ne pouvait être sauvé de ses troubles et de ses grandes épreuves si ce n'est en s'accrochant aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela qu'il lui a dit « Qu'est-ce que tu me conseilles si cela arrive ?» Donc le musulman doit réfléchir et il doit prendre conscience sur le fait qu'il ne pourra affronter les épreuves qui nous touchent de plus en plus dans notre religion que en s'accrochant aux enseignements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissés derrière lui. Naam Cheikh. وهنا بين له النبي عليه الصلاة والسلام الدواء والعلاج والحل الذي يخرج به من هذه الفتنة فقال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن هذا الخير فيه دخل وأن هذا الزمان الذي أمر بلزوم الجماعة فيه فيه دعاة على أبواب جهنم ولا شك أن هذه الجماعة وهذا الإمام سيصيبهم النقص وسيكون عندهم بعض المخالفات ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ولا نفسر الجماعة بمن كان على الحق المحض الصرف الذي هو يعني لا يأتيه الباطل أو التفسير الاصطلاحي للجماعة لا أراد النبي عليه الصلاة والسلام جماعة المسلمين الذين يكون لهم إمام والإمام المقصود به أمير هنا حاكم يحكمهم نعم نعم Non. Donc le Cheikh Hafidhullah a dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous a donné l'antidote. Il nous a donné le remède, le seul remède avec lequel le musulman va pouvoir affronter la période de trouble de la fin des temps. Et il a dit, tu te dois de t'accrocher au groupe des musulmans et à leur gouverneur officiel. Tu te dois de t'accrocher au groupe des musulmans ainsi qu'à leur gouverneur officiel. Et remarquez, en arrière dans le hadith, le prophète m'a dit, il y aura un bien, il y aura une période de bien, mais qui contiendra des manquements et des défauts, à cause des mauvais prêcheurs. Et également, il a dit, il y aura des prêcheurs qui appellent vers les portes de l'enfer. Et ici, il dit quoi ? Le cheikh dit, et il n'y a aucun doute sur le fait qu'un gouverneur et un peuple musulman sous sa tutelle, dans une période de troubles et de manquements, va inévitablement être touché de ces manquements. Donc le gouverneur musulman et son peuple vont automatiquement être touchés par des manquements qui sont dus à l'époque. Et malgré cela, c'est quoi la solution que le prophète a donnée ? Accroche-toi fermement au gouverneur officiel des musulmans et au groupe des musulmans autour de lui. Et nous ne sommes pas en train de dire que le groupe des musulmans avec qui il faut être, c'est que les musulmans qui sont sur la vérité pure et qui n'ont en eux aucune erreur. Car cela n'est pas très possible. Plutôt, ce qui est voulu ici, c'est le peuple musulman qui est sous la tutelle de son gouverneur. Le peuple musulman qui est un gouverneur officiel, qui est un gouverneur reconnu et officiel. C'est ça qui est voulu par le groupe des musulmans et leur gouverneur. Et c'est ça, c'est eux que le prophète sallam, c'est à eux que le prophète sallam nous a ordonné de s'accrocher. ولا يزال حذيفة رضي الله عنه يستخرج لنا الكنوز وسبل النجاة من الفتن فيقول فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة ليست هناك جماعة للمسلمين ليس هناك إمام يحكمهم ولم يرد ليس هناك أهل حق إذا قلنا بأن الجماعة موازة الحق وإن كنت وحدك كما ذكر الخلاف في تفسير هذا المعنى وإنما قال الجماعة القائمة التي لها إمام قال فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة ماذا أفعل؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك فلا تدخل مع هذه الفرق وهذه الجماعات وهذه الأحزاب وهم لا ينطوون تحت جماعة المسلمين ولا يدينون بالطاعة لولي الأمر القائم وهذا من هذا السبيل بينه النبي عليه الصلاة والسلام بأعظم بيان نعم Donc le Cheikh Hafidhahu Allah a dit et Hudhayfa ibn al-Yaman n'a cessé dans ce hadith de nous sortir les trésors dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il continue et il dit au messager d'Allah, et ici à cette époque-là, les musulmans n'ont pas de groupe et n'ont pas de gouverneur officiel. Et remarquez que Hudhayfa n'a pas dit, ici à cette époque-là, il n'y a plus de gens de la vérité, il n'y a plus de suiveurs de la vérité. Parce qu'il y en aura toujours, n'est-ce pas? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a clairement dit, il y aura toujours des gens sur la vérité jusqu'à la fin des temps. Mais ici, Hudhayfa l'a dit, et ici, il n'y a pas de groupe ni de gouverneur officiel. Remarquez, le cheikh dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit quoi? Il lui a dit, écarte-toi de tous ces groupes et de tous ces partis et toutes ces sectes. Et ce, même si tu venais à t'attacher, à t'accrocher à un tronc d'arbre, jusqu'à ce que la mort te vienne. Jusqu'à ce que la mort te vienne. On tire donc de cela, chers musulmans, que tu ne dois pas rentrer dans ces groupes, ces sectes, ces partis qui ne s'accrochent pas au groupe des musulmans. Qui ne respectent pas les gouverneurs musulmans, qui n'obéissent pas aux gouverneurs musulmans et qui ne répondent pas aux conditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne respectent pas les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça s'éclaircit un peu plus hein, par rapport à tout ce qui se passe. Naam Cheikh. Et ce hadith, في ختام هذا اللقاء, هذا الحديث حجة على هذه الأمة من أن تقع في الفتن فلا حجة لمن وقع في فتنة تشفق فيها دماء المسلمين بعد هذا الحديث كما أن هذا الحديث سجن في حروق أهل البدع والأحزاب والجماعات ولذلك لا تجدهم يعرجون على هذا الحديث مع كثرة محاضراتهم ودروسهم وأشرطتهم لا يلتفتون إلى هذا الحديث ولا يرفعون به رأسا نعم Donc le Cheikh a dit ce hadith c'est une preuve établie sur la communauté musulmane après la connaissance de ce hadith aucun musulman n'a plus aucune excuse à avancer afin de rentrer dans les troubles et les guerres civiles et les révoltes contre les gouverneurs et les bains de sang. Car toute personne qui rentre là-dedans, après la connaissance de ce hadith, n'a plus aucune excuse. C'est une preuve contre lui. Également, ce hadith, c'est une preuve établie contre les groupes de bid'a qui prêchent cette idéologie et qui appellent à cette voie de haine et de révolte. D'ailleurs, malgré le grand nombre de leurs conférences et de leurs cours et de leurs assises, jamais ils ne parlent de ce hadith, ni de loin ni de près, car c'est une preuve contre eux. Naam, Cheikhana. وهذا الحديث فوائده كثيرة جدا لا نزعم أننا قد أتينا عليها أو على عشرها ولكن مع هذا المقام أو في هذا المقام يكتفى بهذا القدر ونسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد للجميع وجزى الله خيرا من كان سببا في هذا اللقاء وجعل ذلك في ميزان حسناته وجزى الله خيرا أخانا المترجم وفقه الله فإنه يبدو متعبا أسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك وجزاكم الله خيرا جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير الله يبارك فيكم فيكم بارك Donc le cheikh Hafidallah a clôturé en disant que en vérité ce hadith contient énormément de leçons et je ne peux pas me permettre de dire qu'on en a tiré assez et je ne peux même pas dire qu'on en a tiré un dixième de leçons. Néanmoins, on a fait ce qu'on a pu et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter à tous l'application de ces enseignements et qu'Allah récompense donc toute personne qui a été la cause de l'organisation de cette conférence et qu'il en fasse donc des hasanat dans sa balance yawm al-qiyamah et wallahu a'lam wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.